Héritier du privilège, qu'on ne peut plus garder, le monde est disproportionné. Fils d'un système, héritier du privilège, qu'on ne peut plus garder, regarde où il nous a menés. Nous, on n'a pas à se plaindre. Enfant des capitalistes, la misère, on ne la connaît pas. On l'ignore ou on trouve ça triste. Nous, on peut vivre toute notre vie heureux. Nous, on peut profiter du système. Nous, on sait qu'on n'aurait pas de chance de mourir à 40 ans. Fils d'un système, héritier du privilège, qu'on ne peut plus garder, le monde est disproportionné. Fils d'un système, héritier du privilège, qu'on ne peut plus garder, regarde où il nous a menés. Et jeune du monde entier, jeune, c'est à nous d'y penser. On peut tout recommencer, on dessine notre avenir. Nous avons le pouvoir, ils vont mourir jeunes. Ne nous laissons pas influencer par un passé décédé et par un présent déroutant. Tellement il en devient inhumain. Fils d'un système, héritier du privilège, qu'on ne peut plus garder, le monde est disproportionné. Fils d'un système, héritier du privilège, qu'on ne peut plus garder, regarde où il nous a menés. C'est nous qui possédons leur or. C'est nous qui possédons le temps de refaire le monde, le temps de se réunir, une vie pour l'ensemble, ensemble pour la vie. Mais c'est nous. C'est nous, on se reparlera enfin. C'est nous, on s'ouvrira enfin.